chiquita. I love, merci. Je t'aime, non, please, don't go. Dada, I would say. Je t'aime, non, la vie, c'est la vie. Aïe, l'amour, c'est l'amour. Merci, ma chérie. Aïe, je t'aime non plus. Je t'aime, la banane. Aïe, la banane. Merci, mon amour. Aïe, je t'aime non plus. Ah. Yeah.